J'écoutais dernièrement un cheikh parmi les mashaykh qui expliquait l'importance de, comme si quand il expliquait le tadrij ou le tadarruj fi talab al-ilm ou le manhajiyya, yani la méthodologie de l'étude et de l'apprentissage de la religion, et il expliquait l'importance, pour quelles raisons par exemple les ulama ils nous ont orienté vers la mémorisation de certains livres de hadith. Comme si, pourquoi pas commencer à mémoriser tout de suite Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi les ulama ils disent commencer par Al-Arba'un al-Nawawiyya, puis après Umdatul Ahkam, puis après Bulugh al-Maram. La raison, c'est parce qu'ils expliquent que dans ces petits livres, il y a le résumé des principes et des fondements de la religion. Et que si tu vas aller pour mémoriser, par exemple, des livres comme Al-Bukhari, déjà tu vas commencer Sahih al-Bukhari, tu vas commencer à mémoriser le début de al-Bukhari, c'est Kitab Bad al-Wahi, comment la révélation a débuté, puis Kitab al-Ilm ensuite. En fait, c'est pour expliquer que avant que tu arrives à des chapitres dans lesquels il y a vraiment des hadiths qui résument les principes généraux de la religion, tu risques de mémoriser beaucoup de hadiths qui vont pas être justement des hadiths qui sont les plus importants dans la religion de l'islam. Tandis que quand tu vas mémoriser des livres comme Al-Arba'un al-Nawawiyya, Al-Arba'un al-Nawawiyya c'est un livre dont les hadiths contiennent les règles générales de la religion au complet. Donc si tu mémorises ces 40 hadiths là, déjà tu vas avoir, et si tu les comprends, tu les étudies, que tu les comprends comme il faut, tu vas avoir une compréhension globale et générale des principes les plus importants et de la base de l'islam. Al-Nawawi, l'imam al-Nawawi, naam. C'est pour ça qu'on les appelle Al-Arba'un al-Nawawiyya, parce que c'est écrit par l'imam al-Nawawi. Et il y a également le livre qu'on est en train d'étudier maintenant, Umdatul Ahkam. Les ulama en général, ils conseillent d'apprendre ce livre-là après avoir terminé d'apprendre par cœur les 40 hadiths. Ils conseillent d'apprendre ce livre-là parce que c'est un livre résumé et qui mentionne que les hadiths sahih, que les hadiths authentiques. Puis après, c'est des hadiths uniquement dans le Bukhari et Muslim, comme je disais, et qui ramènent les hadiths les plus importants dans chaque chapitre de la religion, des questions de fiqh. D'accord? Donc, franchement, c'est un livre vraiment important et bénéfique pour les débutants. Si quelqu'un veut commencer à apprendre les règles de la religion, ce livre-là, c'est un des plus importants dans le hadith. Après, il conseille Bulugh al-Maram. Et Bulugh al-Maram, c'est un niveau plus haut, plus avancé. Pourquoi? Parce que dans Bulugh al-Maram, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques aussi. Et la raison pour laquelle c'est important de les connaître, c'est une des raisons pourquoi c'est important de les connaître, c'est justement pour savoir qu'ils ne sont pas authentiques. Donc, la personne qui va les étudier, elle va avoir donc, disons, la connaissance de ces hadiths-là, puis elle va savoir le fait que le hadith en question, il est pas authentique, et donc, elle va savoir justement comment répondre à certaines questions par rapport à des questions de fiqh, justement, qui sont parfois des questions dans lesquelles il y a des divergences. Et ces divergences-là, parfois, sont dues à des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc, le fait de connaître la preuve de ceux qui ont utilisé, par exemple, ce hadith-là comme argument, et que le hadith en question, il est faible, eh bien, le fait d'être au courant de ça, ça facilite justement la compréhension, puis ça aide dans ce sens-là. Puis il y a beaucoup d'autres bienfaits aussi, puis le livre Bulugh al-Maram, il est plus complet que Umdatul Ahkam. Donc c'est un niveau plus avancé. Puis après, bon, il y a d'autres livres que les ulama peuvent conseiller, mais sinon, c'est pour dire que ça, c'est pour commencer. Al-Arba'un al-Nawawiyya, Umdatul Ahkam, Bulugh al-Maram, ça c'est pour le hadith. D'accord? Et pour les autres sciences, il y a d'autres livres. D'accord? D'accord? Donc, pour le temps qui reste, jusqu'à l'Isha, on va faire maintenant al-usul thalatha. Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on fait maintenant aujourd'hui le sharh de al-usul thalatha. Et c'est le sharh de Sheikh Ubayd al-Jabiri, حفظه الله تعالى qui s'intitule إتحاف العقول بشرح ثلاثة الأصول. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est un livre que j'ai enseigné nombreuses fois aux frères, peut-être يعني en tout peut-être 8 fois environ, peut-être aux frères que j'ai fait ce cours là et avec des différents livre de différentes explications de différents ulama aussi. Donc, pour dire que le livre, à la base, c'est-à-dire sans l'explication, c'est un des livres les plus bénéfiques dans l'aqidah que quelqu'un pourrait, par exemple, étudier et mémoriser. Et ça, je l'ai dit, les ulama, ils le disent tout le temps, de commencer par al-usul al-thalatha, ou des livres comme ça, parce que c'est un livre qui est résumé et qui contient les bases de la aqida et du tawhid. Donc si quelqu'un il le mémorise et il le comprend par la suite avec les explications des ulama, il aura une base vraiment solide dans sa religion. Non. Donc le cheikh il dit, on est arrivé donc à l'énumération des différentes formes d'adoration. Et il n'énumère pas toutes les adorations qui existent, mais il énumère parmi les adorations celles qui sont parmi les plus importantes. Au dernier cours, on a expliqué al-khawf, la peur, hein, et les différentes catégories de peur. Quand est-ce que c'est shirk? Quand est-ce que c'est ma'siya, quand est-ce que il y en a les différentes selon les différents cas, parce qu'on sait que l'adoration ça doit être exclusif à Allah. On n'a pas le droit d'offrir une adoration quelconque à autre que à Allah. Quand c'est des adorations pratiques, quand c'est des adorations du corps, c'est facile de voir physiquement si quelqu'un se prosterne par exemple devant une idole, on le voit. Mais il y a des adorations du cœur, si quelqu'un les offre à autre que à Allah, c'est pas quelque chose qui va être nécessairement visible. Hein? Comme la crainte, si quelqu'un a une crainte ou il craint par exemple une idole, c'est pas quelque chose qui est nécessairement visible dans la pratique, mais c'est une adoration du cœur. Et si quelqu'un il craint une idole ou il craint quelqu'un autre que Allah, plus que Allah, eh bien là, ça devient du shirk. On a expliqué ça au dernier cours. Et on a expliqué la peur naturelle, que ça, c'est pas grave. Ou bien la peur, dans le sens que tu as peur de quelqu'un, au point où tu vas abandonner les ordres d'Allah. On a parlé de cet exemple-là. Quelqu'un qui a peur de quelqu'un dans le fait, par exemple, que il lui interdit de faire des actes d'adoration ou d'obéir à Allah. Alors lui, par peur pour ça, pour cette personne, il va délaisser les ordres d'Allah. On a mentionné cet exemple-là, puis on a mentionné que ça c'est une chose qui est en contradiction avec l'islam, que c'est il y a très dangereux d'avoir peur des hommes de cette façon-là, puis que c'est en fait le shaitan qui essaie de nous effrayer par ses alliés. Et on a mentionné le verset à ce sujet-là. Maintenant, on va passer à une autre forme d'adoration qui fait partie des formes d'adoration les plus importantes dans l'islam pour un croyant, et c'est at-tawakkul. Le fait de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وقال المصنف رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Donc, l'adoration en question, comme le dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est at-tawakkul. Al-Mahabba. Naam. On n'a pas encore parlé. Est-ce qu'on avait parlé de l'amour? Oui, c'est ça. Mais on n'a pas encore arrivé à l'amour. Oui, que c'est le principal. Mais on va en parler. Inch'Allah, ça s'en vient dans les adorations suivantes. Inch'Allah. Donc, At-Tawakkul. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, et en Allah mettez votre confiance si vous êtes croyant. Et dans l'autre, ça c'est le verset 23 dans Surat Al-Ma'idah. Un autre verset que le Cheikh a mentionné, le verset 3 dans Surat Al-Talaq. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est-à-dire, celui qui met sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Allah est suffisant pour lui. Et le Cheikh, il explique, Cheikh Ubaid Al-Jabiri, hafidhahullah, il dit At-tawakkul lughatan at-tafwid. Wakkalahu Allahu idha fawwadahu. Wakkaltu fulana fulan aw na'am wakkaltu fulan ay fawwadtuhu fil amr. Wakkaltu fulan ay wada'tu fawwadtuhu في الأمر والوكالة وهي جعل الإنسان نائبا ومفوضا عنه فيما يخصه. Donc il dit que التوكل dans la langue arabe ça veut dire التفويض. التفويض ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu remets une tâche à quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un, ou le fait de t'en remettre à cette personne là dans quelque chose, hein. Si tu dis ufawwidu amri ila Allah, c'est-à-dire je remets cette affaire à Allah, c'est Allah qui s'en occupe pour moi, hein. Et wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici il explique que tafwid, il donne l'exemple wakkalahu, c'est-à-dire lorsque tu mets quelqu'un en charge de quelque chose pour qu'il s'en occupe pour toi, c'est ça que ça veut dire. Et il dit que al-wakala, ça c'est un terme qui est relié à la même racine, ça veut dire de rendre quelqu'un, disons, responsable de quelque chose à ta place, c'est-à-dire il va être ton représentant dans quelque chose. Donc si par exemple tu as donné à quelqu'un al-wakala dans le mariage par exemple, on va dire que supposons que quelqu'un, il peut pas être là, hein, il peut pas être là pour le mariage, donc il dit je te désigne toi comme mon représentant pour aller régler ce contrat de mariage ou pour aller régler ce contrat d'affaires. Donc c'est toi qui vas signer à ma place, mais tu vas être mon représentant. C'est comme si c'est toi qui es mon tu vas être celui que j'ai donné, à qui j'ai donné la wakala pour cette chose. Donc c'est toi qui vas s'en occuper. C'est comme le garant, hein, le garant, celui qui va s'en occuper pour l'autre. Donc il va aller, il va faire le contrat de mariage au nom de la personne, c'est lui qui va le représenter. Ou bien si quelqu'un par exemple il a une fille mais il ne peut pas être présent comme son wali, alors il va désigner quelqu'un pour le remplacer comme wali, pour marier la fille, pour marier sa fille. Donc ça c'est un exemple aussi, mais ça c'est des choses dans les pays musulmans, tu peux avoir des papiers officiels pour ça, c'est-à-dire que si tu veux désigner quelqu'un comme ton représentant, tu vas aller par exemple voir, tu vas aller à la cour, ils vont te donner un papier signé avec toutes les sceaux et tout qui prouve que tu es la personne officielle qui a été désignée par le propriétaire ou par le tuteur ou par la personne en question pour t'occuper de ses affaires. Tu auras une preuve légale que tu es le représentant de cette personne pour cette affaire. Donc ça c'est al-wakala. Il y a un lien entre les deux, mais ça c'est sur le plan linguistique. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne at-tawakkul dans la religion, le cheikh il dit wastilahan i'timadul qalb 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalb an-naf'i wa daf'i ad-dar. ودفع الضر. والتوكل لا ينافي الأسباب المشروعة بل يتفق معها، وقد ثبت صحة الأخذ بالأسباب مع التوكل. ومن ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يتخذ الأسباب مع توكله على الله. Donc le cheikh il dit que dans la religion le terme tawakkul signifie de reposer ton cœur, c'est-à-dire tu te reposes sur Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, c'est-à-dire tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour faire revenir un bienfait ou pour repousser un mal. C'est-à-dire que tu mets ta confiance absolue en Allah, qu'il n'y a aucun bien qui peut t'arriver, ni aucun mal qui peut être éloigné, ou un bien qui peut être rapproché, excepté que c'est par la volonté d'Allah et par le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu mets ta confiance absolue en Allah dans tout ce qui peut t'arriver dans ta vie. Que s'il y a un bien qui doit te toucher, ça va, c'est Allah qui va te le donner. Et s'il y a un mal qui peut être éloigné de toi, c'est uniquement Allah qui peut l'éloigner. C'est ça le fait de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que ça ne vient pas en contradiction avec le fait de prendre les moyens physiques et matériels nécessaires pour arriver à faire ou à obtenir ce que tu veux ou ce dont tu as besoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains individus, certaines personnes, parmi des gens qui ont des problèmes dans la croyance ou des égarements dans la pratique, qui disent ou qui pensent que le fait de faire les causes vient en contradiction avec le tawakkul. Donc ils disent, si tu mets réellement ta confiance en Allah, tu n'as pas besoin de faire les causes. Tu vas rester assis et puis toutes les choses vont venir pour toi. Et ça c'est contraire à la réalité. Et le cheikh il dit, la meilleure preuve que le fait de faire les causes, ça ne vient pas en contradiction avec le fait d'avoir la confiance en Allah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur de ceux qui mettaient sa confiance en Allah, il prenait les causes nécessaires pour faire ce qu'il avait besoin de faire et ce qu'il devait faire. Et il dit وَمِنْ فِعْلِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا مَعَ إِعْدَادِ الْعُدَّةِ الْكَافِيَةِ لَهَا لِمَا يُوَرِّي بِغَيْرِهَا يعني لماذا يُوَرِّي بِغَيْرِهَا هذا من الأسباب المشروعة التي لا يعلم المغزون من الكفار حتى لا يعلم المغزون من يعني لا يعلم المغزون من الكفار ولما كان يوم الفتح جهز 10,000 بكامل عدتهم وعتادهم وكان صلى الله عليه وسلم يعزل مما أفاء الله عليه نفقة أهله السنة والسنتين نعم وقد أمر الله سبحانه وتعالى العباد بالسعي بطلب الكسب في آيات كثيرة من كتابه ومنها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. Donc pour résumer ce que le cheikh il explique maintenant, il dit que parmi les exemples du fait que le prophète a pris les causes et les moyens nécessaires pour faire des choses, plusieurs choses, c'est que lorsqu'il par exemple avait le plan de faire une expédition militaire, de partir en guerre ou de faire une expédition, il faisait toujours comme s'il allait vers une autre direction que la direction où il allait. C'est-à-dire qu'il ne disait jamais à l'avance où il partait, vers quelle direction il s'en allait. Et il faisait toujours croire qu'il s'en allait vers une autre direction que la direction dans laquelle il allait. Et ça, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait des mesures nécessaires pour ne faire en sorte que l'ennemi ne sache pas qu'il allait vers eux. Et ça fait partie de prendre les causes. Et que ça c'est légiféré pour que les gens, que les koufars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait attaquer ne soient pas au courant qu'il voulait les attaquer jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il y avait des espions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y avait des espions. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faisait ça. Il prenait ces précautions-là. Et il dit que également le jour où il avait préparé, par exemple, une armée avec 10 000 combattants bien armés, hein, il leur a pas dit où ils s'en allaient. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a ordonné dans plusieurs versets de nous préparer, hein, et de chercher notre subsistance et de gagner notre vie de différentes façons, dans plusieurs versets dans le Coran. Parmi ces versets-là, le verset 15 dans Surat al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui a rendu la terre yani facile pour vous, hein, qu'il l'a aplani pour vous, qu'il l'a rendu yani soumise pour vous. Alors marchez dans ces sentiers, marchez dans ces sentiers pour aller chercher votre risque. Et il dit, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan wal ma'ruf 'inda al-'uqala anna at-tuyur la tamkuth fi awkarha aw a'shashha bal takhruju minha fi as-sabah ja'i'atan tadribu yaminan wa shimalan tufattishu 'an qutiha wa ta'udu وقد ملأت حواصلها فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على السعي في طلب الرزق لأنه ضرب مثلا في الطير وقد عرفنا حالتها قبل قليل. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si vous étiez parmi ceux qui mettent leur confiance en Allah réellement, eh bien il vous donnerait votre subsistance comme il donne la subsistance aux oiseaux. Et il a dit par la suite, les oiseaux partent le ventre vide le matin et ils reviennent le ventre plein. Hein? Donc c'est pour dire que on sait très bien que l'oiseau, il reste pas dans son nid. Il reste pas dans son nid toute la journée à attendre son risque. Non, ils partent très tôt le matin et ils ont faim et ils cherchent ici et là pour trouver sa nourriture, pour trouver ce qu'il a besoin pour manger et pour nourrir ses petits, puis il revient le ventre plein. Hein? Donc il a fait l'effort, il a fait les causes. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à faire. Hein? Chercher ton risque pour avoir ta subsistance. C'est pas de rester chez toi puis d'attendre que ton risque, il apparaisse comme ça. Et le شيخ الزي والآية الكريمة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذه الآية جاءت في آخر الحوار الذي قصه الله سبحانه وتعالى عن موسى وقومه ماذا قال لهم موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فقال القوم له إن فيها قوما جبارين يعني آخر ما قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون والمعنى لا يمكن أن نذهب وكيف تأمرنا أن ندخلها وفيها يعني وفيها من فيها من الجبارين اذهب أنت وربك فقاتلا وهذا رد في غاية الجلافة وسوء الأدب فانبرى رجلان من المؤمنين من العقلاء الأكياس قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والمعنى خذوا بالسبب ادخلوا الباب عليهم كما أمركم نبيكم عقلاء يقال إن أحدهما يوشع ابن نون صلى الله عليه وسلم انظروا إلى العقل قال ادخلوا كما أمركم نبيكم وتوكلوا على الله ومع ذلك افعلوا السبب يعني ما أمرتم به مع التوكل على الله عز وجل وهذه الآية جاء بها تذكيرا لنا ففيها بالإضافة إلى الأمر بالتوكل أنه شرط في الإيمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التحذير من سلوك مسلك المكذبين مثل بني إسرائيل مع موسى كما في السياق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بدعا من المرسلين الذين رد قولهم والآية الأخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعد الله سبحانه وتعالى للمتوكل عليه بأنه حسبه أي كافي كافيه. Donc le cheikh il explique que le verset وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, c'est le verset 23 dans sourate Al-Ma'idah. C'est un verset donc qui vient à la suite d'une histoire. C'est un verset qui vient à la suite d'une histoire et d'un dialogue. Et c'était dans l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné à propos de Moussa alayhi salam et de son peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? Qu'est-ce que le peuple a dit à Moussa? Ils ont dit, hein, Moussa, il leur a dit, ô mon peuple, entrez dans la terre sacrée que Allah vous a ordonné, hein, qu'il a prescrit pour vous. Et le peuple a dit, on veut pas rentrer. Il y a dans ce peuple, il y a dans cette terre un peuple qui sont vraiment forts et grands, puissants. Yani c'est des géants. On veut pas rentrer. Et ils ont dit, vas-y toi et ton Seigneur et allez vous battre tous les deux. Nous on reste ici. Ils ont dit, allez, toi et ton Seigneur, allez vous battre tous les deux. Nous, on reste ici, on bouge pas. On reste assis ici. Subhanallah. Et donc, la signification de ça, ça veut dire, yani, on peut pas y aller. Comment tu veux nous ordonner de rentrer alors qu'il y a des gens qui sont là-bas, des géants qui sont forts et tout? Alors, vas-y, toi et ton Seigneur. Et donc, le cheikh, il dit ça, c'est une réponse de la part du peuple de Moussa, alayhi salam, qui est un manque absolu de respect et de bonne manière envers le prophète et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors deux hommes parmi les gens intelligents et les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont commencé à répondre à leur peuple et essayer de leur faire réfléchir et de leur faire comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, il dit, il y a deux hommes parmi ceux qui craignaient Allah, à qui Allah avait mis sur eux la grâce, il dit, entrez par la porte. Puis une fois que vous allez être entré dans la porte, vous allez avoir le dessus sur eux. Vous allez être victorieux. Vous avez juste à rentrer. Puis Allah, lui, il va faire en sorte que vous soyez victorieux. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et ils ont terminé en disant, et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes réellement croyant. Et donc la signification de ça, c'est-à-dire prenez les causes en entrant déjà en premier chez eux, comme Allah vous a ordonné, comme le prophète vous a ordonné, ainsi que les gens de raison. Et parmi les deux hommes que Allah a mentionnés dans ce verset-là, qui sont parmi les gens de raison, ils ont dit que c'était Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. J'ai oublié le nom en français, je pense que c'est pas Jonas, c'est Josué, je crois. Josué. Et c'est, en tout cas, c'est lui qui a pris la, qui a continué, après Moussa, alayhi salam, disons, diriger le peuple de Bani Israël ou un des responsables. Et il a dit, le cheikh, il dit, regardez l'intelligence, qu'est-ce qu'il leur a dit? La personne intelligente, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Entrez comme votre prophète vous a ordonné. Mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et faites les causes nécessaires comme il vous a ordonné. Mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce verset, il a été ramené pour nous rappeler, comme un rappel pour nous et pour nous dire en même temps, rajouter en plus le fait que on doit savoir qu'on doit mettre en Allah notre confiance. On doit avoir at-tawakkul. Et que at-tawakkul, c'est une condition pour être croyant. Que si t'as pas de tawakkul, t'as pas de foi. C'est comme si t'as pas de tawakkul, t'as pas de foi. Donc la personne qui met pas sa confiance en Allah, et qui n'est pas convaincu que tout ce qui lui arrive de bien, c'est uniquement par la permission d'Allah, et tout ce qui peut s'éloigner de mal, c'est uniquement par la volonté d'Allah, celui qui a un doute en ça, qui n'est pas convaincu de ça, eh bien il y a un problème dans sa foi. Hein? Donc le croyant, il est obligé, s'il est croyant, il doit mettre sa confiance en Allah. Hein? Et il ne peut pas mettre sa confiance en autre que lui. Il ne peut pas mettre sa confiance en autre que lui. Ce n'est pas possible. Et donc c'est une mise en garde dans ce verset de ne pas emprunter la voie de ceux qui ont démenti les messagers et les prophètes, comme l'exemple des fils d'Israël avec Moïse, Moussa alayhi salam. Comme il y a également dans ce verset-là un support et un encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va entendre l'histoire de Moussa alayhi salam, et ça va lui donner encore plus de patience, encore plus de foi, plus de conviction, plus d'encouragement dans sa mission. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermit le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui mentionnant l'exemple des prophètes précédents qui lui ont précédé. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend les histoires des prophètes précédents, ça le raffermit encore plus, ça augmente encore plus sa détermination dans la mission qu'il a à accomplir. Et ça lui confirme le fait qu'il n'est pas le premier d'entre les messagers qui a été démenti ou renié par son peuple. D'autres prophètes avant lui qui sont venus pour leur peuple ont eux aussi été démentis et reniés par leur peuple. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et en même temps, c'est pour faire comprendre ça au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il ne soit pas triste ou il ne soit pas découragé par ça. Hein? Quand il va voir cette réaction de son peuple qui renie la vérité, il va savoir que non, ça c'est arrivé aussi aux autres avant toi. Sois patient, continue ton message, continue ta mission. Hein? Alhamdulillah. Donc ça a raffermi son cœur. Et dans l'autre verset, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met sa confiance en Allah, Allah va être suffisant pour lui. Hein? Il va être son kafi, il va être son hasb. Ça veut dire, il n'a pas besoin de personne et de rien d'autre. Allah lui suffit. Celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Hein? Donc ça c'est un rappel, ça fait partie des adorations, at-tawakkul, une des plus grandes formes d'adoration que le croyant peut faire. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite au prochain cours, inshallah, l'explication des autres formes d'adoration qui ont été mentionnées par le cheikh dans la suite du livre. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.